Dossier 5. Livre page 61. Question A. Un journaliste interroge 4 touristes français qui ont visité la Syrie sur ce qu'ils ont aimé le plus. Le journaliste. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus en Syrie? Premier touriste. Ce qui m'a plu le plus, c'est le musée national de Damas, situé au centre de la ville. Deuxième touriste. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est la danse d'Aldabke, un type de danse folklorique connu en Orient. C'est une danse de groupe en ligne où les danseurs et les danseuses se tiennent les mains et frappent le sol fort. Troisième touriste. J'ai beaucoup aimé la cuisine traditionnelle syrienne et surtout al-kebe, composé du blé concassé, le boulgour et de la viande. Quatrième touriste. Moi, ce que je n'oublierai jamais, c'est les chansons syriennes populaires que l'on entend partout dans les rues.